Dieu béni, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, Dieu béni, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, aujourd'hui là-haut, je suis dans la joie parce que Dieu m'a béni. Il m'a béni, aujourd'hui là-haut, moi je suis dans la joie parce que Dieu m'a élevé. La cocagne pas, je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je veux te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie. Bénis-moi, Dieu béni, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, Dieu béni, qui veut, il m'a déjà béni. Dieu béni, aujourd'hui là j'ai la santé, mes affaires ont prospéré. Depuis des années qu'on attendait, ma femme a couché. J'ai eu du boulot, ma vie a changé. J'ai payé mes euros dans les quatre coins du monde. Mon général m'a consolé, Maxwell Cornet. Faut le dire que c'est mon Dieu qui contrôle. Y'a même pas l'homme pour lui. Amante le basta. La coca n'y pa oye yo yore. Coco la japonaise. Stéphanie Aguiore. Dieu béni, oh béni, oh béni, oh béni, oh le. Il m'a déjà béni, oh Dieu béni, oh Dieu béni, oh béni, oh béni, oh béni, oh le. Il m'a déjà béni, Dieu béni, oh Dieu béni, oh. Je te serai toujours reconnaissant. J'ai eu des moments difficiles, j'ai pleuré. Cela m'a rapproché de toi. Je te serai toujours fidèle. Parce que avec toi, on tape jamais poteau. Yeah. Oh, pas, oh, yeah. Les médecins disent que. Mes jours sont comptés, mais ils ne savent pas que tu es puissant. Faut leur montrer qu'avec toi y'a jamais poteau. Je respire encore, mon cœur n'est pas mauvais. Je veux te louer pour tous tes bienfaits dans ma vie. Roméo Kwaku, bénis-moi. Dieu béni, oh béni, oh béni, oh béni, oh ré. Il m'a déjà béni, oh Dieu béni, oh Dieu béni, oh béni, oh ré. Il m'a déjà béni, oh Ibéri, oh Ibéri, oh Ibéri, oh. En tout cas, Dieu béni, oh. Les royaux, Nina Kona, Roselyne Kwadjo, Shekano Ini de la Joie, oh, Marlène Koti, ma maman Seri Brigitte, Clarisse Milso, Milso.